Pour nos gosses, à jeun, psychiatre, le col chargé. Pour tes bourges suicidaires, psychiatre, le col chargé. Sale texte. Je le dis cas, je veux vendre plus qu'Eminem. Pas faire comme Yannick, avoir quelque chose dans la bouche. Les gars, ça font pas comme du M&M. Se faire la douche de toute cette crasse qu'on me ramène à moi et mes mènes. Les yeux bridés dans la fumée de ce qu'on aime. Tu sais qu'on aime nos poches boulémiques de maïs. Si j'irais vampire, je crois pas que la maille serait mon aïe. Mais dans le rap, trop de merde. Voilà pourquoi je fais l'arbre. Me sers de mon arbitre. Avec Allah, communique arbitre. Communique au véritable arbitre. Que ce bras est niqué. On a rien à foutre si tu gasses ce bras, fais le briquet. La poudre de mon putain de canon. Si un rap de brut pour faire crier les mecs de bloc et mecs crier. Ce bras pour liquider ton empire. Car y'a tellement de bidons que même les océans pourraient pas les remplir. Car ça comprend, non, pas bon, vous délire comme l'on voulait, mais même être d'en bas. Des sales textes pour des sales types, les sales combles, les sales buts. Les sales bites pour des sales brutes. C'est pour les mecs des blocs, c'est du psychiatra, pas du sinatra. Un son de sales bêtes. Des sales textes pour des sales types, les sales combles, les sales buts. Les sales bites pour des sales brutes. C'est pour les mecs des blocs. Pour les mecs des blocs, c'est du psychiatra, pas du sinatra. Un son de sales bêtes. Des sales textes pour des sales vies, quel destin. Vu comment c'est parti, je plaide la jeunesse. En quelques mots, je résume ces mecs qui vont passer la France pour une pute sans proxénète. J'enquête sur la vérité des miens. Pas de parti politicien, Jean-Claude Godin. Et ces hommes de main, et ces hommes de merde. À l'info, je reste au micro, je reste un infoman. Quand il s'agit de baisser le système, je dresse tous mes rouillards. Y'a pas de roulio, que des mecs grouillés pour la même cause. De foutre en l'air les femmes à terre, c'est les quartiers guerres contre armée de terre. L'homme est un loup pour l'homme, bonhomme. Des sales textes pour des sales hommes. Des sales textes pour des sales types, les sales combles, les sales buts. Un sale bite pour des sales brutes. C'est pour les mecs des blocs. Pour les mecs des blocs, c'est du psychiatra, pas du sinatra. Un son de sales bêtes. Des sales textes pour des sales types, les sales combles, les sales buts. Un sale bite pour des sales brutes. C'est pour les mecs des blocs. Pour les mecs des blocs, c'est du psychiatra, pas du sinatra. Un son de sales bêtes. Je représente les mecs qui scurent le nez sans choix. D'après les anciens, c'est toujours mes frères, oui, qu'on garde à vous. Face aux soldats qui, comme la garde, veulent saigner à vous. Garde à vous, soldats, cognure mes gardes à vous. Fesse pour toutes les séquelles que je garde à vie. Malgré qu'on soit là juste pour un échauffement dans ce monde tournoi où les récompenses seront lors du jugement. Dernier combat, faut que je marque comme bien mis. Car comme dans un camp but, faut que je te fasse des combos. Des sales textes pour des sales vies. C'est le génocide des mecs qui courent contre la montre et ont le poids de la mort comme compte. Les sales textes pour des sales types. Mec des blocs comme moi, mec du shit, mec des clics qui assassinent comme moi. Le but c'est comme les Dalton, on veut personne à l'horizon. Comme l'infatal et le Mel Gibson. Mettez les maraisons, un fugitif comme Harrison. Dans ce monde qui empoisonne, number one comme Tyson. Plan d'out City c'est ma zone. Des sales textes pour des sales types, les sales hommes, les sales buts. Un sale beat pour des sales brutes. C'est pour les mecs et pour les pour les mecs des blocs, c'est du psychiatra, pas du sinatra. Un son de sale bête. Des sales textes pour des sales types, les sales hommes, les sales buts. Un sale beat pour des sales brutes. C'est pour les mecs et pour les mecs des blocs, c'est du psychiatra, pas du sinatra. Un son de sale bête. Des sales textes pour des sales types, les sales combles, les sales buts. Un sale beat pour des sales brutes. C'est pour les frères et pour les frères des blocs, c'est du psychiatra, pas du sinatra. Un son de sale bête. Des sales textes pour des sales types, les sales combles, les sales buts. Un sale beat pour des sales brutes. C'est pour les frères et pour les boss des blocs, c'est du psychiatra, pas du sinatra. Un son de sale bête.